hloko lefu a le utlwa moyeng le tshiu ya lona matswela thokonyana a wa ka bangwe lefatshe a rapela dikgororo tsa gae e ne e ka diphopi tsa madi jaje ga o ne go ya ka nna senwelo sena se ne se tla feta gole le nna e pathato ga e phetagale ya mangolo e ileng ya bolelwa ntate ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba seetse. Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6 et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. vous devez pécher et changer. Mwihani vya havyanyu muhinduke. Yeah. exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. He is